Un texte pour la familia. J'ai mes raisons de pas me taire, terre à terre j'rappe. Un zeste pour ce milieu-là. Un peu d'amour au lieu de la rage pour mon crew et tous mes frères d'en bas. La familia. Familia, j'aime quand tu me prends dans tes bras. J'aime cette chaleur que tu dégages, ton regard plein d'amour. Et pour toujours sache que je n'oublierai pas. La vie est faite pleine de lois, tu m'en as pris plus que tu ne crois, crois-moi. Tu m'as enseigné les vertus de la foi, de croire en soi, ne plus vivre en cloisonné dans une toile. Le libre arbitre, c'est là ma voix, j'exprime haut et fort, R.A.P. mon home sweet home. J'prends la parole, pas de stop, j'pense à tous mes frères d'en bas, j'pense à tous ceux qui perdent pied dans le vacarme, j'pense aux enfants de la DAS. L'égalité n'existe pas, faut faire avec, y'a pas le choix. Profite de ta famille si tu as la chance de la voir. Familia, il y a tellement de bonheur, de malheur dans ce milieu-là, dans ce milieu-là. Familia, ma raison de vivre. Familia, ni plus ni moins, l'avenir, l'avenir. Un texte pour la familia. J'ai mes raisons de pas me taire, terre à terre j'rappe. Un zeste pour ce milieu-là. Un peu d'amour au lieu de la rage pour mon crew et tous mes frères d'en bas. La familia. Familia, je déteste quand tu tapes dessus, quand tu cries, quand tu hurles cruel. La vie est cruelle, cette femme de mes rêves qui me saigne le cœur à l'opinel. Je rêve de fonder une famille unie dans les rires et les pleurs, être un bon père comme le mien. Mais familia, celle du sang et celle de mon cœur qui bat la mesure sur ce rythme hip-hop. Je vous l'ai dit, ces quelques notes. Je vous l'ai dit, là est ma prose. Prolifère comme un virus qui touchera tes proches. Proche de l'apothéose. Ose te mentir à toi-même, c'est te donner la mort à petite dose. J'aime sans retour et je me prends les sales coups. Cours, pas de pitié pour les fourbes. Un texte pour la familia. J'ai mes raisons de pas me taire, terre à terre j'rappe. Un zeste pour ce milieu-là. Un peu d'amour au lieu de la rage pour mon crew et tous mes frères d'en bas. La familia. Un texte pour la familia. J'ai mes raisons de pas me taire, terre à terre j'rappe. Un zeste pour ce milieu-là. Un peu d'amour au lieu de la rage pour mon crew et tous mes frères d'en bas. La familia. Un texte pour la familia. J'ai mes raisons de pas me taire, terre à terre j'rappe. Un zeste pour ce milieu-là. Un peu d'amour au lieu de la rage pour mon crew et tous mes frères d'en bas. La familia.